Dernier récré, les baskets dans la boue. Les cours sont vides, mais leur nom reste debout. Sur le banc fendu, y'a des rêves en morceaux. Des mégots d'enfance, des rires tombés trop tôt. On joue héros, on finissait en guerre. Un cartable trop lourd, un cœur trop léger pour la terre. Les grands parlaient fort, nous parlaient de survivre. Mais l'ombre a pris les petits avant qu'ils sachent écrire. Et la cour a changé de visage. Plus de cris sur le bitume, juste des mirages. On compte les absents, on serre les dents. Quand l'enfant se casse, ça fait mal longtemps. Dernière récré, dernière récré. On a grandi trop vite, on nous a volé l'été. Dernière récré, dernière récré. Des gamins dans la brume, des adieux sans papier. Dernière récré, dernière récré. On crie leurs prénoms fort pour pas les oublier. Dernière récré, dernière récré. Génération cassée, mais le cœur reste levé. Dans la cage d'escalier, ça parle de départ. Des mères aux fenêtres, des silences dans le regard. Un grand frère s'éteint, une sœur serre les poings. Et la ville fait semblant de n'avoir rien vu ce soir. Les profs ont des larmes au fond de la voix. Ils disent rester sage quand le monde n'en veut pas. On voulait des étincelles, on a pris des coups. Des vies trop courtes, des printemps sous verrou. Et la cour a changé de visage. Plus de cris sur le bitume, juste des mirages. On compte les absents, on serre les dents. Quand l'enfant se casse, ça fait mal longtemps. Dernière récré, dernière récré. On a grandi trop vite, on nous a volé l'été. Dernière récré, dernière récré. Des gamins dans la brume, des adieux sans papier. Dernière récré, dernière récré. On crie leurs prénoms fort pour pas les oublier. Dernière récré, dernière récré. Génération cassée, mais le cœur reste levé. Si demain me prend, garde ma place au fond, là où les meilleurs sourires reviennent quand les autres sont longs. Dis à la cour que je l'aimais malgré ses griffes. Dis aux petits qu'on a saigné pour qu'ils restent vifs.